Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme point commun entre tous les prophètes, nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصل القرآن بس. لا دوزيام بس. في سورة الله نبي سورة البخت. الله سبحانه وتعالى الذي نبغى نبعث رسالة كفور كيسوا أبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.